vous étiez au courant de ce qui s'était passé en France, quand même, avec le Front Populaire, non? Avec les nouvelles réformes sociales qui s'étaient... Oh, ben, nous, le personnel ouvrier, si c'est vrai que ça n'est guère. C'est-à-dire qu'on avait, comme nouvelle, on avait la dépêche de Constantine, un journal qui paraissait, et il n'y a que les chefs de service, les ingénieurs, le directeur, les géomètres, tout cela qui recevait, les ouvriers ne recevaient pas, puisque tout ça se payait. C'était qu'un journal local que vous aviez, vous. Et puis avec ce que vous gagnez, vous ne pouviez pas vous permettre d'avoir la radio, un abonnement, j'aurais pu d'avoir la radio à l'époque.